Chapitre 18. Catherine de Médicis. Il était 9 heures du soir. Dans la maison du pont de bois, où nous avons déjà introduit nos lecteurs, Catherine de Médicis et l'astrologue Ruggieri attendaient le chevalier de Pardeillan, auquel, on s'en souvient, le Florentin avait donné rendez-vous. La reine écrivait à une table, tandis que l'astrologue se promenait à pas lents, venant de temps à autre jeter un coup d'œil sur ce que Catherine écrivait, sans chercher d'ailleurs à cacher cette indiscrétion, mais comme un homme qui a le droit d'être indiscret, ou qui le prend. Un monceau de lettres déjà cachetées était entassé dans une corbeille. Et Catherine écrivait toujours. À peine une lettre finie, elle en commençait une autre. La prodigieuse activité de cette reine se dépensait ainsi. Son esprit n'avait pas une minute de tranquillité. Avec une souplesse vraiment étonnante, elle passait d'un sujet à un autre, presque sans réflexion préalable. C'est ainsi qu'après une lettre de 8 pages serrées, où elle exposait à sa fille, la reine d'Espagne, la situation des partis religieuses en France et où elle lui demandait de décider le roi d'Espagne à intervenir, elle écrivait à Philibert Delorme, son architecte, pour lui donner des indications d'une lucidité et d'une précision extraordinaires sur le palais des Tuileries. Puis elle écrivait à Coligny, en termes caressants, pour l'assurer que la paix de Saint-Germain serait durable. Puis elle achevait un billet à maître Jean Dorat. Elle écrivait ensuite au pape, puis au maître de cérémonie, pour lui dire d'organiser une fête. De temps à autre, et sans s'interrompre, elle jetait un mot bref. « Ce jeune homme viendra-t-il ? » « Certainement. Pauvre, sans appui, il ne voudra pas manquer l'occasion de faire fortune. »« C'est une rude épée, René. » »« Oui, mais que voulez-vous faire de ce spadassin ?» Catherine de Médicis posa la plume, jeta un profond regard sur l'astrologue et dit « J'ai besoin d'hommes, René. De grandes choses sont en l'air. Il me faut des hommes. Et surtout, j'ai besoin d'un bon spadassin, comme tu dis. » « Nous avons Maurevert. » « C'est vrai, mais Maurevert m'inquiète. Il en sait trop long maintenant. Et puis, Maurevert a été touché à son dernier duel. Son bras a tremblé. » Vienne une circonstance tragique, vienne une de ces secondes terribles où le sort d'un empire repose sur une épée, que cette épée tremble un millième de seconde, que le coup s'égare et l'empire s'écroule peut-être. René, le bras de ce jeune homme ne tremble pas. Il sera à nous, rassurez-vous, Catherine. La reine cacheta les dernières lettres qu'elle venait d'écrire et dit « À propos, René, l'hôtel que je t'ai fait construire est terminé. On m'en a remis les clés ce matin. » J'ai vu, ma reine, j'ai vu. J'en ai fait le tour par la rue du Four, la rue des Deux Écus et la rue de Grenelle. C'est tout l'emplacement de l'hôtel de Soissons. Vous faites magnifiquement les choses. Que dis-tu de la tour que je t'ai fait élever ? Dit Catherine en souriant. Je dis que jamais Paris n'a vu une telle merveille de hardiesse élégante. C'est un rêve pour un homme comme moi que de pouvoir me rapprocher des étoiles, de dominer les flots de toits et la mer, de lire de plus près ce grand livre que le destin a tracé au-dessus de nos têtes, d'entrer, pour ainsi dire, de plein pied dans les 12 maisons célestes et de n'avoir qu'à étendre la main pour toucher le zodiaque. Mais déjà l'esprit de Catherine suivait une autre piste. « Oui, reprit-elle lentement. Ce jeune homme me sera utile. As-tu essayé, René, d'établir sa destinée par la sublime connaissance que tu as des astres ? Divers éléments me manquent encore, mais j'y arriverai. Au surplus, ma reine, pourquoi vous inquiéter à ce point de ce air ? N'avez-vous pas vos gentilshommes, vos créatures, vos femmes ? Oui, René, j'ai mes 150 demoiselles. Et par elle, je sais ce que 150 ennemis peuvent confier à l'oreille d'une maîtresse. Oui, j'ai mes créatures jusque chez Guise, jusqu'en Béarn. Et par ces créatures, je connais les plans de ceux qui veulent ma mort, et au lieu d'être tué, c'est moi qui tue. Oui, j'ai mes gentilshommes, et par eux, je tiens le Louvre et Paris. Mais je me défie, René. Elle reposa dans sa main sa tête pâle, si pâle qu'on l'eût dit exsangue comme une tête de vampire. Son regard se perdit dans le vague. Elle sembla évoquer des choses passées comme un spectre évoque des choses mortes. « René, dit-elle d'une voix glacée, j'avais 14 ans lorsque je vins en France. J'en ai 50. Combien cela fait-il ? » ?»« Cela fait 36 ans, Majesté, dit Ruggieri étonné. C'est donc 36 années de souffrances et de tortures. 36 années d'humiliation, de rage d'autant plus terrible que je devais la déguiser sous des sourires. 36 années où j'ai été tour à tour méprisée, bafouée, réduite à l'état de servante et enfin haïe. Mais d'être haïe, ce n'est rien. Cela a commencé le soir de mon mariage, René. Catherine, Catherine, à quoi bon de tels souvenirs ? Dit Ruggieri en fronçant le sourcil. C'est que les souvenirs ravivent la haine, dit sourdement Catherine de Médicis. Oui, la longue humiliation commença le soir de mon mariage, et dussé-je vivre 100 ans encore, je n'oublierai jamais cette minute où le fils de François Ier, m'ayant conduite à notre appartement, s'inclina devant moi et sortit sans me dire un mot. La nuit suivante et les autres, il en fut de même. Lorsque mon époux devint roi de France, la reine, la vraie reine, ce ne fut pas moi, ce fut Diane de Poitiers. Les années s'écoulèrent pour moi dans la solitude. Un jour, j'appris qu'Henri de France me voulait répudier. Tremblante, la rage au cœur, j'interrogeai mon confesseur sur les motifs que pouvait faire valoir mon royal époux. « Sais-tu ce qu'il me répondit ?» Ruggieri secoua la tête. Catherine de Médicis, livide comme un cadavre, reprit. « Madame, dit le confesseur, le roi prétend que vous sentez la mort. » Ruggieri tressaillit et pâlit. « Je sentais la mort, poursuivit Catherine de Médicis en reprenant place dans son fauteuil. « Comprends-tu, j'étais mortelle à tout ce que je touchais. Et, chose affreuse, René, il semble qu'Henri II ait eu raison de parler ainsi. » Lorsque, poussé par ses conseillers, par Diane de Poitiers elle-même, dont la générosité fut pour moi la dernière lie du fiel, le roi se résolut à me garder lorsque, sur les instances des prêtres, il consentit à faire de moi sa véritable épouse, lorsqu'enfin j'eus des enfants. Ah, René, que furent ces enfants ? François est mort à 20 ans, après 1 an de règne, d'une effroyable maladie des oreilles dont la source est restée inconnue. Seulement, Ambroise Paré me dit qu'il était mort de pourriture. Catherine s'arrêta un instant, les lèvres serrées, le front barré d'un pli. « Regarde, Charles, reprit-elle d'une voix plus sourde. Des crises terribles la battent, et par moments, je me demande s'il ne va pas finir dans la folie, dans la pourriture de l'intelligence, comme François a fini dans la pourriture du corps. Regarde le duc d'Alençon, mon dernier-né. Avec son visage ravagé, ne semble-t-il pas marqué, lui aussi, d'un signe fatal ? Vois enfin le duc d'Anjou. » Et ici, la voix âpre de la reine prit une expression de tendresse qui surprenait. Il paraît vigoureux, n'est-ce pas ? Eh bien, moi qui le connais, qui le soigne, je vois seul les signes de débilité chez cet enfant incapable de lier 2 idées. Et avec une sorte de rage contenue. François est mort, Charles est condamné. Henri, avant peu sans doute, va monter sur le trône et poser sur sa faible tête une couronne dont le poids l'écrasera. Tu vois bien qu'il faut que je sois forte, moi, pour supporter le poids de cette couronne et régner sur la France, tandis qu'Henri s'amusera. Elle se leva encore, fit quelques pas dans la pièce, puis revenant à Ruggieri. Régner, dit-elle, régner enfin! Ne plus être à la merci de ces Guises, de ces Coligny, de ces Montmorency qui se disputent le pouvoir. René, songe qu'un jour Guise a eu l'audace d'emporter chez lui les clés de la maison du roi. Songe que j'ai été presque prisonnière à la cour, moi. Songe que le Coligny maudit travaille à remplacer les Valois par des Bourbons. Songe à tant d'ennemis qui m'ont abreuvé d'outrage quand j'étais faible et seule. Et songe que, des dents et des griffes, je défendrai le bien de mon enfant. Lequel ? Demanda froidement Ruggieri. Henri, le futur roi de France. Henri qui seul m'aime et me comprend. Henri d'Anjou, que Charles jalouse, pauvre enfant. Henri, à qui on vient de refuser l'épée de connétable. Henri, mon fils, enfin. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Charles est mon fils, lui aussi, n'est-ce pas ? François d'Alençon est aussi mon fils. Que veux-tu ? Une mère ne se sent vraiment mère que pour l'enfant qui est vraiment son enfant, selon son cœur et son esprit. Ruggieri secoua encore la tête et, à demi-voix, comme s'il eût craint d'être entendu, bien qu'il n'y eût personne dans la maison. « Et l'autre, madame, vous n'en parlez jamais. » Catherine tressaillit. Ses yeux se dilatèrent et plantèrent un regard aigu dans les yeux de l'astrologue. « Quel autre ? » demanda-t-elle avec une glaciale froideur. « Que veux-tu dire ?» Sous ce regard, sous cette parole qui semblait la parole et le regard d'un spectre, Ruggieri courba la tête. Vraiment, à cette minute, Catherine de Médicis, selon l'effroyable expression qu'elle avait employée, sentait la mort. « Je crois, ajouta-t-elle, que tu n'es pas dans ton bon sens. Prends bien garde que jamais une question de ce genre ne t'échappe encore. » « Pourtant, il faut que je parle. » Ruggieri, en laissant tomber ces mots, avait gardé la tête baissée. Et ce fut dans cette attitude qu'il continua. « Oh, soyez sans crainte, madame, nul ne nous entendra. J'ai pris mes précautions, nous sommes seuls, et si je me décide à vous dire des choses que, dans mes nuits sans sommeil, j'étais épouvanté de me dire à moi-même dans le lourd silence de ma conscience, c'est que des heures graves et solennelles vont peut-être sonner au cadran de l'éternelle justice. Si j'ose parler, ma reine, c'est que j'ai interrogé les astres et que les astres m'ont répondu. » Catherine frissonna. L'épouvante glaça ce cœur si ferme. Catherine de Médicis, qui ne tremblait pas devant le crime, tremblait devant la menace des astres. Sûr désormais d'être écoutée, Ruggieri continua en levant la tête. « Ainsi, madame, vous pouvez dormir tranquille, vous. Ainsi, Catherine, vous n'y songez jamais à l'autre. Moi, j'y songe. » Moi, depuis longtemps, je ne dors plus que d'un sommeil fiévreux. Et chaque fois que je m'endors, Catherine, le même rêve sinistre se dresse dans ma conscience. Les mêmes fantômes viennent s'asseoir au chevet de mon lit. Je vois un homme qui sort du palais par une nuit obscure, tandis que la femme, l'amante, l'accouchée enfin, lui fait un dernier geste implacable. Cet homme a pleuré, supplié en vain. L'amante a prononcé une irrévocable condamnation. L'homme sort donc du palais. Sous son manteau, il emporte on ne sait quoi. Quelque chose qui vit pourtant, car cela vagit, cela se plaint, cela crie grâce. Et l'homme est impitoyable, car l'homme, lâche une fois dans sa vie, a peur de la femme. Il va, il dépose le nouveau-né sur les marches d'une église, et puis il se sauve. Catherine, les traits durs, le visage fermé, immobile et glacial, murmura sourdement. « Tu oublies une chose, René, tu oublies le meilleur. Puisque nous sommes en train d'évoquer ce spectre, évoque-le tout entier. » « Non, je n'oublie pas. Non, Catherine, heureux si j'avais pu oublier. Avant d'emporter le nouveau-né pour l'abandonner, j'avais laissé tomber sur ses lèvres une goutte, une seule, d'une liqueur blanche. C'est cela que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Sans doute, puisque grâce à ce poison, l'enfant ne pouvait pas vivre plus de 2 mois. Tu fus brave, René, tu fus stoïque, et je ne pus me repentir de t'avoir aimé, puisque tu jetais au néant la preuve de l'adultère de la reine. Mais à quoi bon, encore une fois, éveiller de tels souvenirs ? C'est vrai, je t'ai aimé. Tu vins à une heure où le roi, mon mari, me forçait à saluer sa maîtresse, où les gentilshommes de la cour me tournaient le dos, où l'on haussait les épaules quand je parlais, où les domestiques eux-mêmes attendaient pour me servir que Diane de Poitiers eût confirmé mes ordres. Seule, méprisée, humiliée, dévorée de rage et de désespoir, Je vis un jour dans tes yeux un éclair de pitié. Nous allâmes l'un vers l'autre. Nous passions des journées à causer de Florence et des nuits à parler des astres. Tu m'enseignas ton art sublime. Tu fis plus, tu me révélas les secrets des Borgia. Grâce à toi, René, je connus l'aquatophane. Grâce à toi, j'appris la science qui fait de l'homme l'égal de Dieu, puisqu'elle lui donne droit de vie et de mort. J'appris à enfermer la mort dans un chaton de bague, dans le parfum d'une fleur, dans le feuillet d'un livre, dans le baiser d'une maîtresse. Et dès lors, je devins plus redoutable que les Borgia même, puisqu'à la puissance de César, je joignais la force d'âme d'Alexandre et le sourire mortel de Lucrèce. C'est de là que date ma fortune, René. C'est à toi que je la devais. Tu en reçus la récompense qui te convenait. Tu partages la couche d'une reine. Cette sorte d'effroyable confession, empreinte d'une sombre rêverie, Catherine de Médicis la fit à voix basse, plutôt comme si elle se fût parlée à elle-même. Et maintenant, ajouta-t-elle, maintenant que je suis devenue la reine, maintenant que l'un après l'autre j'ai touché du doigt mes ennemis, maintenant que sur les ruines entassées je vais échafauder une souveraine puissance qui étonnera le monde, tu viens me parler du passé ? René, hier est mort, c'est demain qui compte. L'enfant ? Pourquoi arrêterais-je ma pensée sur cet être disparu ? L'enfant, sans doute, a été ramassé par quelque femme qui l'a emporté. Et puis, comme tu avais versé le germe de la mort, sans doute, au bout de 2 mois, il est entré dans le néant dont il n'aurait pas dû sortir. Ruggieri saisit la main de Catherine et la serra fortement. « Et si je m'étais trompé ? » dit-il sourdement. Catherine demeura saisie, muette, la bouche entrouverte, comme pour jeter un cri qui s'étrangla dans sa gorge. Si la dose avait été insuffisante, ou si le miracle s'était accompli, reprit René, si l'enfant vivait. Malédiction ! Gronda la reine. Écoutez, Catherine, écoutez ! Que de fois, depuis cette nuit terrible, j'ai interrogé les astres. Et les astres m'ont toujours répondu qu'ils vivaient. En vain espérais-je me tromper, en vain recommençais-je mes calculs de déclinaison et de conjonction. Même réponse implacable m'était donnée, ils vivaient. Malédiction ! Répéta la reine d'un ton tel que Ruggieri sentit une sueur froide perler à son front. Je ne vous en parlais pas, reprit l'astrologue, je gardais pour moi terreur, douleur et remords. Mais maintenant, le silence, ma reine, serait un crime envers vous, qui êtes restée l'idole de ma vie. Cependant, Catherine de Médicis, avec cette force de caractère qui la rendait peut-être plus redoutable que ses poisons, avait imposé le calme à son esprit. Placée soudain en face d'un événement qui pouvait être une terrible menace, elle résolut de l'envisager froidement. Elle contint les sursauts, non pas de son cœur qui était pétrifié, mais de son imagination qu'elle dirigeait avec une robuste fermeté. « Soit, dit-elle, admettons que l'enfant vive. Qu'est-ce que cela peut me faire ? Il vit, mais il ne saura jamais qui il est. Il vit, mais c'est dans quelque quartier ignoré, fille sans nom, enfant trouvé, pauvre selon toute vraisemblance. Il vit, mais nous ignorerons toujours où il est, comme toujours il ignorera le nom de sa mère. « Catherine, dit Ruggieri, apprêtez toute votre force d'âme. L'enfant est à Paris et je l'ai vu. »« Tu l'as vu ? » rugit la reine. « Tu l'as vu ? Où donc ?»« À Paris, vous dis-je. »« Quand ? Quand ? Mais parle donc !»« Hier, et avant toute chose, apprenez le nom de la femme qui l'a recueillie, sauvée, élevée. »« C'est ?» Jeanne d'Albret. Fatalité ! Catherine de Médicis s'était redressée et avait reculé, comme si un abîme se fût soudain ouvert sous ses yeux. La foudre tombée à ses pieds ne l'eût pas frappée d'une stupeur plus accablante. Fatalité ! Reprit-elle, secouée d'un frisson convulsif. Mon fils vivant ! La preuve de l'adultère aux mains de mon implacable ennemi ! Elle ignore, sans aucun doute, balbutia Ruggieri. « Tais-toi, tais-toi » gronda-t-elle. « Puisque c'est Jeanne d'Albret qui a élevé l'enfant, c'est qu'elle sait. Comment, je l'ignore. Mais elle sait, te dis-je. Oh, tu vois qu'il faut qu'elle meure. Tu vois que ma double vue ne me trompait pas en me montrant en elle l'obstacle auquel je dois me heurter. Ah, Jeanne d'Albret, il ne s'agit plus maintenant de toi à moi d'une ambition. Il ne s'agit plus de savoir si c'est ta race ou la mienne qui règnera. De toi à moi, c'est une question de vie ou de mort. Et c'est toi qui mourras. » Après ces paroles qui lui échappèrent, rauques et sifflantes, Catherine de Médicis s'apaisa par degrés. Son sein palpitant reprit une immobilité de marbre. Ses yeux fulgurants s'éteignirent. Elle redevint la froide statue, le cadavre qu'elle semblait être au repos. « Parle !» dit-elle alors. « Quand et comment as-tu su la chose ?» Ruggieri, presque humble, épouvanté de cette fureur qu'il venait de déchaîner lui-même, répondit. « Hier, madame, je sortais de chez ce jeune homme. Celui qui l'a sauvé ?» « Oui, ce pardaillant. Au moment où je quittais l'auberge, je demeurai pétrifié par une sorte de vision qui tout d'abord me stupéfia. Un homme venait vers moi. Et, chose effrayante qui fit dresser mes cheveux sur ma tête, cet homme, il me sembla que c'était moi. Moi-même, moi qui marchais à l'encontre de moi. Mais moi, tel que je devais être il y a 24 ans. Moi, jeune, comme si mon miroir m'eût tout à coup renvoyé ma propre image en me rajeunissant d'un quart de siècle. » Ruggieri passa la main devant ses yeux comme pour chasser un spectre. « Continue, » dit froidement la reine. Ma première pensée fut que je devenais fou. Ma deuxième fut de couvrir mon visage, car si cet homme m'avait vu, il eût sans doute éprouvé la même impression que moi. Quand je revins de ma stupeur, je le vis qui entrait à l'auberge que je venais de quitter. J'étais bouleversée, Catherine, si vous aviez vu comme il avait l'air triste. » Et Ruggieri attendit un instant, espérant peut-être surprendre quelque indice d'émotion, si faible qu'il fût. Mais Catherine demeura glaciale de visage et d'attitude. « Alors, reprit l'astrologue avec un soupir, une pensée affreuse traversa mon esprit. Je me souvins que les astres m'avaient affirmé son existence et dans mon cœur je m'écriai « C'est lui, c'est mon fils !» Ah, Catherine, je vous fais grâce de toutes les pensées qui, à ce moment, se heurtèrent en moi. Puis je songeai à vous. Je songeai aux dangers possibles qui pouvaient vous menacer, et tout disparut, tout, sauf l'ardent désir de vous sauver. » Catherine fit de ses gestes comme on fait pour caresser les dogues fidèles. Palpitant, je rentrai dans l'auberge, je remontai l'escalier à pas de loup, je rejoignis le jeune homme. Je le vis entrer chez ce pardaillant d'où je sortais. Je collai mon oreille à la porte. J'entendis toutes leurs conversations, et de cet entretien, Catherine, est sortie pour moi la preuve implacable que c'est lui, que c'est notre fils, jadis recueilli, sauvé, puis élevé par Jeanne d'Albret. » Il se fit un grand silence. Catherine de Médicis réfléchissait profondément. Enfin, après une hésitation, elle demanda. « Et lui, se doute-t-il ? » « Non, non, » fit vivement Ruggieri. « J'en réponds. Mais que vient-il faire à Paris ?»« Il est au service de la reine de Navarre et, sans doute, il va maintenant la rejoindre. » Catherine tomba dans sa méditation. Que combinait-elle à ce moment où l'existence de son fils venait de lui être révélée ? Quelles pensées agitaient cette mère ? Il eût fallu être Ariel pour le deviner, pour lire dans ce sombre esprit. Et peut-être que l'ange ou le démon qui eût soulevé le voile de cette conscience eût reculé d'épouvante. Tout à coup, Catherine de Médicis tressaillit. « On frappe !» dit-elle avec un accent de terreur que doivent avoir les criminels surpris dans leur sinistre besogne. « C'est le chevalier de Pardaillan. Je lui ai donné rendez-vous pour 10 heures et voici 10 heures qui sonnent à la tour du palais. » « Le chevalier de Pardaillan ? » fit Catherine de Médicis en passant une main sur son front poli comme un vieil ivoire. « Ah oui ! Écoute, René, pourquoi allait-il chez Pardaillan ? Sont-ils donc amis ? » Non, madame, il venait simplement remercier le chevalier de la part de la reine de Navarre. Ainsi, ils ne sont pas amis, insista Catherine. Du moins, ils se sont vus hier pour la première fois. Un sourire livide glissa sur les lèvres minces de la reine. Ruggieri frissonna. Va ouvrir, René, va, mon ami. J'ai trouvé de l'occupation pour ce jeune homme. Tu dis qu'il est pauvre, n'est-ce pas, et orgueilleux? Tu m'as bien dit cela de ce pardaillant. Oui, madame, pauvre jusqu'à la misère, orgueilleux jusqu'à la démence. C'est-à-dire capable de tout comprendre et de tout entreprendre. Va ouvrir, René. Madame, madame, quelle pensée traverse votre esprit? Ah, ça, perds-tu la tête? Voici la troisième fois que notre visiteur heurte à la porte. Catherine, râla Ruggieri, grâce, pitié pour mon fils. La reine étendit le bras et répéta « Va ouvrir !» Ruggieri, sous le geste dominateur, se courba et, chancelant, obéit. Catherine de Médicis, pendant les 2 minutes où elle demeura seule, esquissa rapidement son plan et composa son visage en sorte que, lorsque le chevalier de Pardaillan parut, il ne vit devant lui qu'une femme au sourire mélancolique, mais non plus sinistre, à l'attitude fière, mais non plus hautaine. Il s'inclina profondément. Du premier coup d'œil, il avait reconnu Catherine de Médicis. « Monsieur, dit celle-ci d'une voix qu'elle savait rendre sinon douce, du moins exempte de cette âpreté qui parfois la faisait si dure à entendre. « Monsieur, savez-vous qui je suis ?»« Tenons-nous bien, songea Pardaillan. Elle va mentir, c'est le moment de mentir comme elle. » Et tout haut, il répondit « J'attends que vous me fassiez l'honneur de me le dire, madame. »« Vous êtes devant la mère du roi, » dit Catherine avec une majestueuse simplicité. Ruggieri admira le coup. Pardaillan se courba plus profondément encore, puis, se redressant, il demeura debout dans cette pose naïve qui lui seyait merveilleusement. Catherine l'examina avec une attention soutenue. Le chevalier avait son beau costume neuf qui faisait valoir sa taille. Il apparaissait dans toute l'harmonieuse souplesse de sa force au repos. Son visage immobile, sans inquiétude, sans curiosité, son regard d'une étrange fermeté, produisirent une grande impression sur Catherine. « Monsieur, reprit-elle alors, ce que vous avez fait hier est bien hardi et bien beau. Se jeter ainsi dans une pareille mêlée et risquer la mort pour sauver 2 inconnus, c'est admirable. » Catherine s'attendait à la réponse usuelle et menteuse « Je n'ai fait que ce que tout autre eût fait. » Elle tressaillit en entendant le chevalier répondre sincèrement, sans forfanterie. « Je le sais, Majesté. C'est d'autant plus beau que ces 2 femmes ne vous étaient rien. C'est vrai, Majesté, ces 2 dames m'étaient parfaitement inconnues. Mais vous savez leur nom maintenant ?» Et à son tour, Catherine se dit « Il va mentir. » « Je sais, répondit Pardaillan, que j'ai eu l'honneur de défendre de mon mieux Sa Majesté la Reine de Navarre et une de ses suivantes. » « Je le sais aussi, monsieur, fit Catherine étonnée, et c'est pourquoi j'ai voulu vous connaître. Vous avez sauvé une reine, monsieur, et les reines sont solidaires. Ce que ma cousine n'a peut-être pu faire, je veux le faire, moi. » « Comprenez-moi, chevalier, la reine de Navarre est pauvre et ses embarras sont grands. Cependant, il est juste que vous soyez récompensé. » « Oh, pour ce qui est de cela, que votre majesté se rassure, j'ai été récompensé selon mon mérite. » « Comment cela ?»« Par une parole que sa majesté la reine de Navarre a bien voulu me dire. » Catherine demeura pensive. Tout ce que disait ce jeune homme était empreint d'une si noble simplicité qu'elle en était comme déroutée. Elle prit une attitude plus mélancolique. Sa voix se fit plus caressante. « Mais, reprit-elle, ma cousine de Navarre, ne vous a-t-elle point offert quelque situation auprès d'elle ?»« Si fait, madame, mais j'ai dû refuser. »« Pourquoi ? » Fit vivement Catherine. « Parce qu'il m'est impossible de quitter Paris. » Et si je vous offrais d'entrer à mon service, que diriez-vous? Attendez avant de me répondre. Vous ne voulez pas quitter Paris? Eh bien, c'est justement ce que je vous demanderai. Chevalier, vous qui vous jetez tête baissée à la défense de deux inconnus, voulez-vous contribuer à défendre votre reine? Et quoi? Votre Majesté a-t-elle donc besoin d'être défendue? S'écria sincèrement Pardaillan. Un fugitif sourire passa sur les lèvres de la reine. Elle tenait le défaut de la cuirasse. Oui, cela vous surprend, fit-elle de sa voix la plus séduisante. Et pourtant, cela est, chevalier, entouré d'ennemis, obligé de veiller nuit et jour à la sûreté du roi, je passe ma vie à trembler. Vous ne savez pas tout ce qui s'agite de sourdes ambitions et de lâches complots autour d'un trône. Pardaillan tressaillit en songeant à ce complot dont il avait surpris le secret à la devinière. Et pour me défendre, continua la reine, pour défendre le roi, pour apaiser les alarmes de mon cœur maternel, je suis presque seule. Ah, s'il ne s'agissait que de moi, comme depuis longtemps je me serais abandonnée aux ennemis qui me guettent. Mais je suis mère, hélas, et je veux vivre pour mes enfants. Madame, dit le chevalier sans émotion apparente, il n'est pas un gentilhomme digne de ce nom qui hésiterait à vous donner l'appui de son épée. Une mère est sacrée, Majesté, et quand cette mère est une reine, ce qui n'était qu'une obligation d'humanité devient un devoir auquel nul ne peut se soustraire. Ainsi, vous n'hésiteriez pas à prendre rang parmi ces trop rares gentilshommes qui, ayant à la fois pitié de la reine et de la mère, se dévouent pour moi ? Je vous suis acquis, madame, répondit Pardaillan, et si votre majesté veut bien m'indiquer comment un pauvre diable comme moi peut lui être utile. La reine réprima un tressaillement de joie. Ruggieri pâlit et étouffa un soupir. « Avant de vous dire ce que vous pouvez faire pour moi, » reprit Catherine de Médicis, « je veux vous dire ce que je ferai pour vous. Vous êtes pauvre, je vous enrichirai. Vous êtes obscur, vous aurez les honneurs auxquels peut prétendre un homme tel que vous. Et pour commencer, que dites-vous d'un poste au Louvre avec une rente de 20 000 livres ?»« Je dis que je suis éblouie, madame, et que je me demande si je rêve. » « Vous ne rêvez pas, chevalier. » C'est le devoir des rois et des reines de trouver de l'occupation aux épées telles que la vôtre. Voyons donc l'occupation, dit Pardaillan qui dressa les oreilles. Catherine de Médicis garda un instant le silence. Ruggieri essuya la sueur qui inondait son visage. Il savait, lui, ce que la reine allait demander au chevalier. Monsieur, dit alors la reine en accentuant le ton douloureux de ses paroles. Je vous ai parlé de mes ennemis qui sont ceux du roi. Leur audace grandit de jour en jour. Et sans les quelques gentilshommes dévoués dont je vous entretenais, il y a longtemps que j'eusse été frappé. Or, je vais vous dire, monsieur, comment j'agis lorsque je vois s'approcher de moi un de mes ennemis. J'essaie d'abord de le désarmer par mes prières, par mes promesses, par mes larmes, et je dois dire que je réussis souvent. Car les hommes sont moins méchants qu'on ne dit. Et quand votre majesté ne réussit pas, dit Pardaillan avec une émotion dont il ne fut pas le maître. Alors, j'en appelle au jugement de Dieu. Que votre majesté me pardonne, je ne saisis pas tout à fait. Eh bien, un de mes gentilshommes se dévoue. Il va trouver l'ennemi, le provoque en un loyal combat, le tue ou est tué. S'il est tué, il est sûr d'être pleuré et vengé. S'il tue, il a sauvé sa reine et son roi, qui, ni l'un ni l'autre, ne sont des ingrats. Que dites-vous du moyen, monsieur ? Je dis que je ne demande qu'à tirer l'épée en champ clos, madame. Se battre pour sa dame ou pour sa reine, c'est une chose toute naturelle. Ainsi, si je vous désigne un de ces êtres méchants, j'irai le provoquer. Dit Pardaillan, qui redressa sa taille et dont les moustaches se hérissèrent. « Je le provoquerai, s'appela-t-il » Il s'arrêta à temps, au moment où il allait s'écrier, « S'appela-t-il Guise ou Montmorency ?» Un duel avec le duc de Guise. À cette pensée, les yeux de Pardaillan flamboyèrent. Il se sentit grandir. Il n'était plus le chevalier de la reine, il devenait le sauveur de la royauté. « S'appela-t-il ? » interrogea Catherine, dont les soupçons se déchaînèrent à l'instant. « Vous vous êtes arrêté au moment où vous alliez prononcer un nom. »« Au moment où je cherchais un nom, Majesté, » dit Pardaillan en reprenant tout son sang-froid. « Je voulais dire que je n'hésiterai pas, si terrible que soit l'adversaire, ou si haut placé, ce qui est tout un. » « Ah, oh, vous êtes bien tel que je vous espérais !» s'écria la reine. « Chevalier, je me charge de votre fortune, entendez-vous ? Mais n'allez pas, par trop de générosité, compromettre votre vie. À dater de ce jour, vous m'appartenez et vous n'avez plus le droit d'être imprudent. »« Je ne comprends pas, madame. » « Écoutez, » dit Catherine lentement, en sondant, pour ainsi dire, parole à parole, l'esprit du chevalier. « Écoutez-moi bien. » Un duel est une bonne chose, mais il y a mille façons de se battre. Oh, certes, ajouta-t-elle en plongeant son regard dans les yeux de Pardaillan, je ne vous conseillerais pas d'attendre l'ennemi une nuit au détour de quelque rue et de le frapper à mort d'un bon coup de poignard. Non, non, conclut-elle vivement, je ne vous conseillerais pas cela. « En effet, madame, dit Pardaillan, ce serait un assassinat. Moi, je me bats au jour ou à la nuit, mais en face, épée contre épée, poitrine contre poitrine. C'est ma manière, majesté. Pardonnez-moi si ce n'est pas la bonne. »« C'est bien ainsi que je l'entends, » se hâta de dire Catherine. « Mais enfin, la prudence peut s'allier au courage, et ne pouvant vous demander d'être brave, puisque vous êtes la bravoure même, je vous recommande d'être prudent, voilà tout. Il ne me reste plus qu'à savoir contre quel ennemi je dois me mesurer, reprit alors Pardaillan. Je vais vous le dire, fit la reine. Ruggieri, d'un geste, essaya une suprême tentative. Ses mains se joignirent vers Catherine, tandis que ses yeux éloquents criaient grâce. La reine lui jeta un regard foudroyant. Ruggieri recula en baissant la tête. « Tenons-nous bien, » songea Pardaillan. « Évidemment, il s'agit du duc de Guise. Arrêter Guise, impossible. Et pourtant, Guise conspire. Elle le sait comme moi, sans doute. Un duel avec Henri de Guise, quel honneur pour Giboulet !»« Monsieur, » dit tout à coup la reine, « vous avez reçu hier une visite. »« J'en ai reçu plusieurs, madame. »« Je veux parler de ce jeune homme qui vous est venu de la part de la reine de Navarre. » « Celui-là, monsieur, est un de ces implacables ennemis dont je vous parlais, peut-être le plus acharné, le plus terrible de tous, parce qu'il agit dans l'ombre et ne frappe qu'à coup sûr. Celui-là me fait peur, monsieur. Non, pour moi, hélas, j'ai fait le sacrifice de ma vie. Mais pour mon pauvre enfant, pour Charles, votre roi. » Pardaillan s'était pour ainsi dire ramassé sur lui-même. Son rêve d'un héroïque combat contre un puissant seigneur brave entre tous, d'un duel où il était le champion d'une reine et d'une mère, ce rêve tombait et il entrevoyait de sinistres réalités. Son sourcil se fronça, sa moustache se hérissa. Puis, soudain, ses traits se détendirent et son visage reprit cette immobilité, ce vague sourire, avec au coin des lèvres une dédaigneuse ironie. « Hésiteriez-vous, mon cher monsieur ?» fit la reine étonnée de son silence. Et l'accent de sa voix était devenu si menaçant que le chevalier, plus que jamais, se redressa, se hérissa. « Je n'hésite pas, majesté, » dit-il. « À la bonne heure !» s'écria la reine, dont la voix reprit aussitôt toute sa caressante douceur. « Je n'attendais pas moins d'un chevalier errant tel que vous, d'un preux qui va par le monde mettant son bras à la disposition des pauvres princesses opprimées. Ah, songea Pardaillan, dont le visage pétilla, tu gasconnes ici et tu te moques d'un pauvre diable qui a le malheur de ne pouvoir étouffer son cœur selon les sages conseils de son père. Attends un peu. Et tout haut, je n'hésite pas, je refuse. Habituée à voir des échines courbées devant elle, à entendre des paroles balbutiantes, Catherine de Médicis eut un moment de profonde stupéfaction. Elle pouvait s'attendre à un refus, mais non à une telle attitude. Elle regarda autour d'elle comme si elle eût cherché son capitaine des gardes pour lui donner un ordre. Elle se vit seule, impuissante. Une légère rougeur qui monta à son visage blême indiqua à Ruggieri la fureur qui se déchaînait en elle. Mais Catherine était depuis longtemps habituée à dissimuler, elle qui dissimula toute sa vie. « Vous nous donnerez au moins de bonnes raisons ? » fit-elle avec la même douceur. « D'excellente, madame, et qu'un grand cœur comme le vôtre comprendra l'instant. L'homme dont parle votre majesté est venu chez moi, s'est assis à ma table, a été mon hôte et m'a appelé son ami. Tant que cette amitié ne sera pas brisée par quelque acte vil, cet homme m'est sacré. » « Voilà, en effet, des raisons qui me convainquent, chevalier. Et comment s'appelle-t-il, votre ami ?»« Je l'ignore, madame. » « Comment ? Cet homme est votre ami et vous ne savez pas son nom ?»« Il ne m'a pas fait l'honneur de me le dire. Au surplus, il est moins étonnant d'ignorer le nom d'un ami que celui d'un ennemi aussi implacable. » Catherine baissa la tête, pensive. « Voilà un homme, songea-t-elle, il n'en est que plus dangereux. Et puisqu'il ne veut pas me servir ?»« Monsieur, monsieur, ajouta-t-elle tout haut. Je vous demandais ce nom pour voir si nous étions bien d'accord sur la personne. Mais je vois qu'aucune qualité ne vous manque. Par le temps qui court, la discrétion est même plus qu'une qualité, c'est une vertu. Ne parlons donc plus de cet homme. Je comprends et respecte le sentiment qui vous guide. » Ah, madame, vous m'en voyez tout heureux. Je craignais tant d'avoir déplu à votre majesté. Et pourquoi donc ? « Fidèle à l'amitié, cela signifie fort contre l'ennemi commun. Allez, monsieur, et rappelez-vous que je me charge de votre fortune. Demain matin, je vous attends au Louvre. » Catherine de Médicis se leva. Pardaillan s'inclina devant la reine qui lui accorda son plus gracieux sourire. Quelques instants plus tard, il était dehors, retrouvait à la porte son fidèle Pipeau, et reprenait le chemin de la devinière en cherchant à déchiffrer l'énigme vivante qu'était la reine Catherine. « Elle a dit « Demain matin au Louvre », conclut-il. « Bon, on y sera. Le Louvre, c'est la grande antichambre de la fortune. Décidément, je crois que M. de Pardaillan, mon père, se trompait. » Une heure après cette scène, Catherine de Médicis rentrait au Louvre, faisait appeler son capitaine et lui disait « « Monsieur de Nancy, demain matin, à la première heure, vous prendrez 12 hommes et un carrosse, vous vous rendrez à l'hôtellerie de la Devinière, rue Saint-Denis. Vous arrêterez un conspirateur qui se fait appeler le chevalier de Pardaillan et vous le conduirez à la Bastille. »